2, 2, 5, comme ça, la source sûre est là pour 9, 8, 9, 9, les années 2000, nique le faux, game, Milka, psychique, toujours on est là, toujours, représente, toujours en présent, frères et les sœurs, tout ce qu'on a à dire vient du cœur, des rimes sincères, pour la vérité, la vérité. Comme ça que ça se passe, représente pour tout le monde. Ceux qui sont là, ceux qui sont plus là. Mon bébé, ma femme, le père, tout le monde. Équipé pour la rime, occupé à lutter en un groupe. Solo pour trois, forme trois losses différents. Trois mêmes coupes, les trois mêmes voraces. Tu pourras rien mettre des coups. Fin de tout, besoin de tout. Quand c'est comme ça, on croit que c'est la fin de tout. Parle pas de sous. Casser la croûte, je suis un casse-cou. Quand je suis à genoux, à bout, un casse-couille qui va jusqu'au bout. Un genou qui est pas gêné de dire qu'il est en mauvaise posture. Mal dans sa peau, mal dans sa carrure. Se retire d'elle pour ne faire qu'un avec des sources sûres. De 5-5, j'ai que ça. De 5-5, nique les S et compte avec les 5 doigts. Ce qu'on remplace deux fois, pas trop à jamais. Pour de 5-5, j'ai trop ramé. Pour mon crew, je veux cramer. De 5-5, pour toujours. De sources sûres à jamais. De 5-5, jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la dernière flamme de vie. Celle qui est au plus profond de nous et qui repart quand on n'a pas envie. C'est la vérité, pas de pensée, trafiquée, c'est grillé. On sait tout ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ce qu'on craint. Ce qui fait envie quand on dévie. Je propulse le champ lexical de cette vie. De cette vie.